Le Deum Justus, c'est une chanson de Kirk Franklin qui s'appelle Révolution. Ça commence avec quelques paroles qui citent le chapitre 7 de l'Apocalypse, les versets 16 et 17, qui disent « Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif, Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Préparez-vous pour une révolution. » Ça dit ça en anglais. Fait que là, j'ai demandé à Justus, « Justus, pourquoi tu m'apportes ce vidéo-là? Qu'est-ce qui te touche là-dedans? » Là, il me dit, « Ben, la musique. » Et puis, je réfléchissais là-dessus, il me disait, « Effectivement, la musique, c'est un... Est-ce que je me trompe si je dis c'est un rap? » Ça, hip-hop? Moi, il y a des nuances que je ne sais pas faire, là, rap ou hip-hop, bon. Puis... Je me suis dit, c'est intéressant parce que dans le texte de cette chanson-là, il est justement question de ça. Ils disent, partout où on va, on dérange, on bouge trop, on nous dit qu'on en fait trop, qu'on fait trop de bruit. Mais il dit, mais on ne peut pas s'en empêcher. Quand l'Esprit de Dieu nous anime, on ne peut pas s'en empêcher. Et puis, j'ai dit à Justus, ben écoute, peut-être qu'on pourrait se pencher un petit peu sur les paroles pour voir s'il y a des choses qui te touchent plus particulièrement. Et puis, on les a regardés ensemble. Puis, il m'a dit que ce qui le touchait le plus, c'est l'équivalent, mettons, du premier couplet de la chanson, où ça dit « Je suis tannée de voir des frères s'entretuer. Je suis tannée de voir les pères qui laissent les bébés avec leur mère pour qu'eux puissent aller jouer ailleurs. » Il dit « À tous ces hommes-là, je leur dis « Écoute, ami, tu devrais être assez homme pour rester. Je suis de rester avec ta femme. » Je suis tannée de l'Église qui parle de religion et pourtant ils parlent l'un contre l'autre, ils parlent des jugements. Ils sont hypocrites. Il dit plus de racisme, abat l'hypocrisie, plus de pollution. La solution, une révolution. Puis naturellement, quand il parle de révolution, il parle de Jésus.